Ok. Principal lyrix de commencement, une fois de plus, un mot de plus. Mot de plus. Prétend son lancement. Yeah. Connexion sur instru, évacuer tous les intrus. Si c'est le bordel dans vos têtes, je reviens faire l'agencement. Un jack dans l'iPod pour musique de fond. Un jack des et la prod pour toucher le fond. Chaleur intense dans tes oreilles, autour de toi tout fond. Même Chétan ici pourrait te dire, nous étouffons. En direct de mes A4, blanche comme du plâtre. Décoré à la bombe ou comme chez Cléopâtre. Dans mon monde, parmi mes pensées, je suis cloîtré. Toujours quelque chose à tirer en sortir, je suis pas prêt. Pas prêt, c'est plus car je suis si je m'isole pas. Vision vers l'horizon, inventif, je mise le pas. 6 années de labeur, dans le son et dans le sang. Cisaillé dans l'heure, si tu trouves ça blessant. Je marche seul des années après mes débuts. Je fais comme la plupart, j'ai résolu mes rébus. La tête relevée pendant que certains trébuchent. Rien à battre depuis que certains sont très louches. Dans mon PC, je tisse des mesures bien tressées. J'ai grandi sans mon passé, même si mes proches sont placés dans une partie de moi qui est loin d'être glacée. Les vrais le savent, mais j'en ai jamais assez. Tête baissée comme abattu quand je ne trouve pas mes mots. Mes deux mains sur le crâne, je réfléchis calmement. Principe méthodique pour déverser l'eau potable. Trouver les bonnes sources de verser dans ce potage. Enlisé dans ma réflexion quand j'ai la matière qui patauge. Enfoui sous l'encombrement d'emmerde si je suis pas dans mon eau. J'fais tourner le moulin, je bloquais l'aiguille de la jauge. J't'ai trouvé dans cette botte de foin, maintenant je tiens l'éloge. Casque musique à fond, selon l'endroit où je me trouve. À combiner des frappes, jusqu'à ce que j'approuve. Tout n'est pas à prendre, car j'aime bien dire ce que je pense. Ceux me connaissant ont bien compris mes sens. Jeu de mots, allusion, punchline, tout est donné. Le meilleur de moi-même, ouais, tu sais plus où t'en es. Quelquefois les heures passent, mais ma feuille reste blanche. J'essaye, je persiste, jusqu'à ce que je débranche. Parfois mon instinct prend le dessus, j'en déborde d'inspi. Alors mes pensées sont étanches, et la matière qui s'inspire. J'ai l'œil de verre en verre, tout ce qui se fout dans mes bûches. Comme des œillères, un point fixe, ma seule vision des choses. Le clair de lune me donne satisfaction. Le clair de lune me donne satisfaction, me conseille. Une voix dans ma tête, ma méthode est loin d'être à son seuil. Yeah. Ok. Petit freestyle, un mot de plus. 2014. F-O-R-O-N-E sur l'étendard. Okay. Posé sur l'instru à mon point de vue légendaire. Yeah. Pas de secret pour l'inspi, ma méthode est standard. Exclu par définition, l'insensé est secondaire. Okay. Yeah. Terre. Okay.